Chapitre 8. Le salaire. Les soutiens du monde capitaliste de production prétendent que le salaire est le paiement du travail et que la plus-value est le produit du capital. Mais qu'est-ce que le travail? Le travail, ou bien se trouve encore dans le travailleur, ou bien est déjà sorti de lui. Ce qui veut dire que le travail, ou bien est la force, le pouvoir de faire une chose, ou bien est cette chose même déjà faite. En somme, le travail est ou bien la force de travail, ou bien la marchandise. Le travailleur ne peut pas vendre le travail déjà sorti de lui, c'est-à-dire la chose qu'il a produite, la marchandise, car elle appartient au capitaliste et non pas à lui. Pour que le travailleur pût vendre du travail déjà sorti de lui, c'est-à-dire une marchandise produite par lui, il lui faudrait posséder les moyens de travail et les matières premières, et alors il serait marchand des marchandises qu'il aurait produites. Mais il ne possède rien. C'est un prolétaire qui, pour vivre, a besoin de vendre à autrui le seul bien qui lui reste, qui est son pouvoir de travailler, sa force de travail. Le capitaliste ne peut donc acheter de lui autre chose que de la force de travail. Cette force de travail, comme toutes les autres marchandises, a une valeur d'usage et une valeur d'échange. Le capitaliste paie au travailleur la valeur d'échange, ou valeur proprement dite, de la marchandise que celui-ci lui vend. Mais ce paiement, il se trouve avoir acquis également la valeur d'usage de la marchandise qu'il a achetée. Or, la valeur d'usage de cette marchandise singulière a une double qualité. La première est celle qu'elle a en commun avec la valeur d'usage de toutes les autres marchandises, de satisfaire un besoin. La seconde est celle qui lui est spéciale et qui distingue cette marchandise de toutes les autres de créer de la valeur. Donc le salaire ne peut pas représenter autre chose que le prix, non du travail, terme vague et équivoque, mais de la force de travail. Et la plus-value ne peut pas être un produit du capital parce que le capital est une matière inerte qui, dans la marchandise, se retrouve toujours en la même quantité de valeur en laquelle il y est entré. C'est une matière qui n'a point de vie et qui, laissée à elle-même, sans la force de travail, n'en pourrait jamais avoir. C'est la force de travail qui seule peut produire de la plus-value. C'est elle qui apporte au capital le premier germe de vie. C'est elle qui entretient toute la vie du capital. Celle-ci ne fait autre chose que sucer pour absorber par tous les pores et enfin pomper énergiquement la plus-value du travail. Les deux formes principales du salaire sont le salaire au temps et le salaire à la pièce. Le salaire au temps est celui qui est payé pour un temps donné, pour une journée, pour une semaine, pour un mois, etc. de travail. Ce n'est qu'une transformation du prix de la force de travail. Au lieu de dire que l'ouvrier a vendu sa force de travail d'une journée pour 3 francs, on dit que l'ouvrier travaille pour un salaire de 3 francs par jour. Le salaire de 3 francs par jour est donc le prix de la force de travail pour une journée. Mais cette journée peut être plus ou moins longue. Si elle est de 10 heures, par exemple, la force de travail est payée 30 centimes de l'heure, tandis que si elle est de 12 heures, la force de travail est payée 25 centimes de l'heure. Donc, le capitaliste, en prolongeant la journée de travail, diminue le prix qu'il paye à l'ouvrier pour sa force de travail. Le capitaliste peut augmenter le salaire tout en continuant à payer à l'ouvrier pour sa force de travail le même prix qu'avant, ou même un prix moindre. Si un capitaliste augmente le salaire de son ouvrier en le portant de 3 francs à 3 francs 60, et qu'en même temps il prolonge la journée de travail qui était de 10 heures en la portant à 12, il paierait toujours à l'ouvrier sa force de travail en raison de 30 centimes de l'heure. Si le capitaliste, tout en portant le salaire de 3 francs à 3 francs 60, prolonge en même temps la journée en la portant de 10 heures à 15 heures, il paiera à l'ouvrier sa force de travail moins qu'auparavant, c'est-à-dire 24 centimes l'heure au lieu de 30. Le capitaliste obtient le même effet lorsque, au lieu d'augmenter la longueur du travail, il augmente l'intensité de celui-ci, comme nous avons déjà vu qu'il peut le faire au moyen des machines. En somme, le capitaliste, en augmentant le travail, réussit à frauder honnêtement l'ouvrier. Et il peut le faire en se donnant en même temps un air de générosité par l'augmentation du salaire quotidien. Quand le capitaliste paie à l'ouvrier à l'heure, il trouve encore le moyen de lui faire tort, en augmentant ou en diminuant le travail, mais en payant toujours honnêtement le même prix pour chaque heure de travail. Supposons que le salaire d'une heure de travail soit de 25 centimes. Si le capitaliste fait travailler l'ouvrier 8 heures au lieu de 12, il lui paiera 2 francs au lieu de 3, c'est-à-dire qu'il lui fera perdre 1 franc, le tiers de ce qui est nécessaire à l'ouvrier pour satisfaire ses besoins journaliers. Si au contraire le capitaliste fait travailler l'ouvrier 14 ou 16 heures au lieu de 12, bien qu'il le paye 3 francs 50 ou 4 francs au lieu de 3 francs, il prend à l'ouvrier 2 ou 4 heures de travail à un prix inférieur à ce qu'elles valent. En effet, après 12 heures de travail, l'effort de l'ouvrier ont déjà subi une diminution et les 2 ou 4 heures de travail faites en plus doivent se payer à un autre taux que les 12 premières. Cette réclamation présentée par les ouvriers a été admise dans plusieurs industries où les heures faites en plus de l'horaire établi se payent à un prix plus élevé. Plus le prix de la force de travail dans le salaire au temps est minime, plus le temps de travail est long. Et il est clair qu'il doit en être ainsi. Si le salaire est de 25 centimes l'heure au lieu de 30, le travailleur a besoin de faire une journée de 12 heures au lieu d'en faire une de 10 pour se procurer les 3 francs que réclame la satisfaction de ses besoins journaliers. Si le salaire est de 2 francs par jour, le travailleur a besoin de faire 3 journées au lieu de 2 pour se procurer ce qui lui est nécessaire pour 2 jours seulement. Ici, la diminution du salaire fait augmenter le travail. Mais il arrive aussi que l'augmentation du travail fasse diminuer le salaire. Par l'introduction des machines, par exemple, un ouvrier arrive à produire le double de ce qu'il produisait avant. Alors le capitaliste diminue le nombre de bras. En conséquence, l'offre de la force de travail augmente et le salaire baisse. Le salaire aux pièces n'est pas autre chose qu'une transformation du salaire au temps, comme le montre d'ailleurs le fait que ces deux formes de salaire sont employées indifféremment, non seulement dans les industries différentes, mais parfois aussi dans une même industrie. Un ouvrier travaille 12 heures par jour pour un salaire de 3 francs et produit une valeur de 6 francs. Il est indifférent de dire que l'ouvrier reproduit, dans les 6 premières heures de son travail, les 3 francs de son salaire. Et, dans les 6 autres heures, produit les 3 francs de plus-value. On pourrait en effet dire tout aussi bien que l'ouvrier produit, dans chaque première demi-heure, 25 centimes, qui représente une 12e partie de son salaire, et, dans chaque seconde demi-heure, 25 centimes, qui représente une 12e partie de la plus-value. De même, si l'ouvrier produit en 12 heures de travail 24 pièces d'une marchandise donnée et reçoit 12 centimes et demi par pièce, en tout 3 francs, c'est exactement comme si l'on disait que l'ouvrier produit 12 pièces pour reproduire les 3 francs de son salaire, et 12 autres pièces pour produire 3 francs de plus-value. Ou encore que l'ouvrier produit, dans chaque heure de travail, une pièce pour son salaire et une pièce pour le bénéfice de son patron. Dans le travail aux pièces, la qualité du travail est contrôlée par l'ouvrage même, qui doit être d'une bonté moyenne pour que la pièce soit payée au prix convenu. Sous ce rapport, le salaire aux pièces devient une source inépuisable de prétexte pour faire des retenues sur paiement de l'ouvrier. Il fournit en même temps aux capitalistes une mesure exacte de l'intensité du travail. Le temps de travail qui s'incorpore dans une quantité de marchandises fixée à l'avance et expérimentalement déterminée est seul regardé comme temps de travail socialement nécessaire et est seul payé. Dans les grands ateliers de tailleurs de Londres, une pièce donnée, un gilet par exemple, s'appelle une heure, une demi-heure, etc. L'heure étant comparée à 6 pence. La pratique a fait connaître quel est le produit moyen d'une heure. S'agit-il d'une mode nouvelle, de réparation, etc. Il y a un débat entre l'employeur et l'ouvrier pour savoir si telle ou telle pièce équivaut à une heure, jusqu'à ce que l'expérience est prononcée. La même chose se passe chez les ébénistes, etc. Si l'ouvrier ne possède pas la capacité moyenne d'exécution, s'il ne peut pas livrer dans sa journée un certain minimum d'ouvrage, il est congédié. La qualité et l'intensité du travail étant ainsi contrôlées par la forme même du salaire, une grande partie du travail de surveillance devient superflue. Cette forme constitue ainsi la base du travail à domicile moderne et de tout un système hiérarchiquement organisé d'exploitation et d'oppression. D'une part, le salaire aux pièces facilite l'intervention de parasites entre le capitaliste et l'ouvrier, le marchandage. Le gain de l'intermédiaire, du marchandeur, provient uniquement de la différence entre le prix payé par le capitaliste pour le travail exécuté et la part de ce prix que l'intermédiaire consent à abandonner à l'ouvrier. Ce système porte, en Angleterre, le nom caractéristique de « sweating system », système qui fait suer le travailleur. D'autre part, le salaire aux pièces permet au capitaliste de passer un contrat pour le paiement de temps par pièce à l'ouvrier principal. Dans la manufacture, avec le chef d'un groupe, dans la mine, avec l'ouvrier qui extrait le charbon, dans la fabrique, avec le conducteur de la machine, cet ouvrier principal se chargeant d'embaucher et de payer lui-même ses auxiliaires. L'exploitation des travailleurs par le capital se réalise ici au moyen de l'exploitation de l'ouvrier par l'ouvrier lui-même. Le salaire aux pièces, une fois établi, l'intérêt personnel pousse naturellement l'ouvrier à intensifier le plus possible son effort de travail, ce qui facilite au capitaliste une élévation du degré normal de l'intensité. Bien que ce résultat se produise de lui-même, on emploie souvent des moyens artificiels pour mieux l'assurer. À Londres, par exemple, chez les mécaniciens, raconte Dunning, secrétaire d'une trade union, c'est un truc habituel de la part du capitaliste de choisir pour chef d'un certain nombre d'ouvriers un homme d'une force physique et d'une habileté au-dessus de la moyenne. On lui paye chaque trimestre un supplément de salaire à la condition qu'il fera tout son possible pour susciter la plus vive émulation chez les travailleurs placés sous ses ordres qui ne reçoivent que le salaire ordinaire. L'ouvrier est également intéressé à prolonger la journée de travail parce que c'est le moyen d'accroître son salaire journalier ou hebdomadaire. Il suit de là un contre-coup pareil à celui qui a été décrit à propos du salaire au temps. Sans compter que la prolongation de la journée, même si le salaire aux pièces reste constant, implique par elle-même un abaissement du prix de travail. Le salaire aux pièces est principal appui du système qui consiste à salarier le travail à l'heure, au lieu d'embaucher l'ouvrier à la journée ou à la semaine. Dans les établissements soumis au Factory Act, loi qui limite en Angleterre la durée de journée de travail à un nombre d'heures données, la loi sur les fabriques, le salaire aux pièces devient la règle générale parce que là, le capital n'a plus d'autre moyen d'augmenter la somme du travail quotidien que de l'intensifier. L'augmentation de la production est suivie de la diminution proportionnelle du salaire. Quand l'ouvrier produisait 12 pièces en 12 heures, le capitaliste lui payait par exemple un salaire de 25 centimes par pièce. Si la production est doublée, l'ouvrier produit 24 pièces au lieu de 12 et le capitaliste abaisse le salaire de moitié, ne payant plus que 12 centimes et demi par pièce. Cette variation du salaire, bien que purement nominale, provoque des luttes continuelles entre le capitaliste et l'ouvrier. Soit parce que le capitaliste s'en fait un prétexte pour abaisser réellement le prix du travail, soit parce que l'augmentation de productivité du travail est accompagnée d'une augmentation de l'intensité de celui-ci. Soit encore parce que l'ouvrier prenant au sérieux l'apparence créée par le salaire aux pièces que c'est son produit qui lui est payé, et non sa force de travail. Alors il se révolte contre une diminution de son salaire qui n'est pas accompagnée d'une diminution correspondante du prix de vente de la marchandise. Le capital repousse avec raison de semblables prétentions, comme dictées par une grossière erreur sur la nature du travail salarié, et il déclare brutalement que la productivité du travail ne regarde pas le travailleur.